Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a inspecté la troupe de défense de l'île de Mara située au front de l'Ouest. Il a été accompagné des cadres responsables militaires, notamment le sous-maréchal Fang Byung-so, chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée. Esquissant un large sourire, le maréchal Kim Jong-un a embrassé les militaires versant de chaudes larmes en caressant leur dos. Il a fait le tour du commandement de la troupe de défense et des casernes, des salles d'éducation et réfectoires de diverses compagnies et s'est entretenu avec les militaires tout en accordant un grand intérêt à leur vie. Demandant comment on assure le chauffage des dortoirs, le commandant suprême a dit qu'il faut bien les chauffer pour que les militaires soient au chaud même en hiver froid et remportent en bonne santé des succès dans les exercices de combat et politique. Dans les salles de toilettes et de bains, il a recommandé d'installer un chauffe-eau solaire de sorte que les soldats servent pleinement de l'eau chaude. Dans la salle d'éducation, le commandant suprême s'est enquis de l'éducation politico-idéologique et a exprimé la satisfaction du fait que les militaires de la troupe de défense de l'île de Mara lisent tous les jours et normalement les journaux du parti et de l'armée et écoutent la voix du parti à travers le système de transmission de dossiers par ordinateur. Le maréchal Kim Jong-un a déclaré que les militaires à la première ligne du front qui se trouvent à deux pas des ennemis comme ses troupes de défense doivent être forts en foi révolutionnaire plus que quiconque et que donc il faut livrer soigneusement l'éducation politico-idéologique pour faire des militaires de la troupe de défense les guerriers indomptables doués de l'esprit résolu de défense de la patrie socialiste. Il a recommandé de réunir de meilleures conditions de vie culturelle, d'implanter le climat de lecture et de déclencher l'ardeur pour les études et de raviver les activités de cercles artistiques de compagnie, afin que les militaires de la troupe de défense insulaire aient des connaissances multilatérales et la formation culturelle et continuent leur service militaire exaltant avec toujours romantisme et joie. Le commandant suprême s'est informé en détail de l'intendance à l'égard des militaires, de l'enseignement des enfants des familles de militaires, etc., avant de souligner et de s'intéresser particulièrement à la vie des militaires au poste insulaire et à la vie de leur famille, et d'accorder de gros efforts aussi à la pêche comme la culture de soja, en serre et l'élevage, pour que les militaires au poste insulaire ne regrettent point la vie sur la terre. Il a souligné de transformer la troupe de défense de l'île de Marab en berceau des militaires, où il y a les officiers tout à fait égaux aux parents tendres et aux frères et sœurs aînés, les camarades amicaux qui s'entraident, la literie chaude et les repas copieux, et en chère maison natale des militaires faisant bloc par l'amour et l'amitié. Le maréchal Kim Jong-un est monté au poste d'observation et a écouté le rapport sur le programme de frappe de feu de la troupe en s'informant des détails de la disposition des batteries et des préparatifs de combat. Il a déclaré qu'une fois éclatée la bataille, les militaires de la troupe de défense de l'île de Mara doivent jouer un rôle important et il a donné des instructions précieuses pour compléter les préparatifs de combat, notamment rehausser davantage la capacité d'organisation et de commandement des frappes de feu des officiers, réviser et compléter avec responsabilité des dossiers opérationnels selon le changement des situations ennemies, étudier et compléter sans cesse de nouvelles méthodes de combat des artilleurs à la coréenne et toujours être fin prêt pour le combat. Ce jour-là, le maréchal Kim Jong-un a donné par surprise l'ordre de déplacer le troisième canon de la deuxième section de la première compagnie pour frapper une cible désignée et inspecter en personne les exercices de tir à obus réels. Sur l'ordre de tir du commandant suprême, la canonnade a retenti, bouleversant toutes les eaux territoriales au front, et les obus sont lancés pour faire mouche de la cible. Le commandant suprême a dit avec joie que les artilleurs tirent vraiment bien, que les militaires de cette troupe de défense qui ont reçu le prix pour les meilleurs artilleurs aux épreuves de tir au canon des sous-unités d'artillerie insulaire tenues en juillet dernier se distinguent vraiment, et qui peut se rassurer sur la troupe de défense de l'île de Mara, avant d'apprécier haut le résultat de tir et de se faire photographier en souvenir avec eux. Il a continué que compléter sans faute les préparatifs de combat pour défendre la patrie, c'est le plus grand patriotisme pour les militaires, que ce qui lui a plu le plus dans la troupe de défense de l'île de Mara, c'est que les exercices sont livrés vigoureusement et de façon intensive pour faire des soldats les meilleurs artilleurs, et qu'il veut porter sur son dos tous les militaires qui ont abattu la cible d'un seul coup. Le maréchal Kim Jong-un s'est montré convaincu que les officiers et soldats de la troupe de défense de l'île de Marab s'uniront pour transformer cette île au parage du front, une partie de la terre de la patrie plus précieuse que la vie liée à la cour du comité central du parti, en forteresse imprenable, en vaisseau toujours flottant et en île de Volmi d'aujourd'hui, avant de faire don des jumelles, d'un fusil automatique et d'une mitrailleuse, et de se faire photographier en souvenir avec tous les militaires et les familles de militaires de la troupe de défense.